écoutez le podcast de Mac Québec avec Alexis Cornelier et Bernard Ouellette. Bonjour, bienvenue au podcast Mac Québec. C'est une nouvelle formule qu'on essaie. On est chacun chez soi. Avant, on enregistrait ça le mercredi. Et avec moi, juste de ce côté-là, il y a Jean-François Roy, mon nouveau co-animateur. Et bonsoir. Il devrait avoir... bonsoir, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, excellent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bernard, en fait, ne peut plus faire le podcast avec, avec nous. Donc, on s'est retourné de bord et puis on a trouvé gens qui vont nous aider à vous rapporter les nouvelles Apple, les nouvelles Apple que vous attendez de nous. Tu peux peut-être te présenter, Jean-François? Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le domaine informatique. Je suis administrateur réseau chez Uniprix. Alors, okay. C'est ça. J'ai quand même assez de compétences côté Mac, là, vu que on a un serveur Mac Xserve à gérer. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça en gros mon bagage. J'ai cherché parce que depuis quelques semaines qu'on est nous avec S5 et on a fait des tests ensemble. En fait, on s'est rencontrés sur Twitter. Puis on a commencé en version assez rapidement, et puis on a commencé à faire les tests ensemble pour ce système qu'on va présenter aujourd'hui. On va en parler ouais. abondamment du système iOS. On va commencer tout de suite avec les nouvelles. En fait, les nouvelles de la semaine, on peut en fait... Salut. Se joint à moi immanquablement. Bonsoir. Alex Dos Santos, qui est notre autre co-animateur au podcast. Donc, une nouvelle personne. Le départ de Bernard était tellement important que je me suis dit, ben, il faut deux gars pour le remplacer. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher ces gars-là. J'en ferai tout juste de se présenter. Peut-être, Alex, tu peux faire un peu la même chose. Oui, bah écoute Alexis, moi je m'appelle Alex Dos Santos, je suis comme administrateur réseau pour la coop de l'UQAM. Je suis pas forcément le plus addict Apple qui soit, tu le sais, donc je vais essayer plutôt d'avoir un regard un peu plus général sur ce dont on pourrait parler. Un peu plus critique peut-être. Aussi, oui, ouais. J'espère. Je vais essayer d'être un peu la petite lime qui va pimenter tout ça. C'est une des critiques qu'on avait eues du show précédent. Puis je me demandais un petit peu comment faire pour qu'on... Parce que bon, GF trip Apple, moi aussi. Puis Alex est un gars qui connaît bien le monde Apple, connaît bien le monde de l'informatique en général, mais qui est peut-être un petit peu plus critique. Donc c'est équilibré. Équilibrer le tout, puis peut-être engendrer des débats un peu plus importants sur le GF, on me fait signe que tu devrais peut-être diminuer le gain de ton microphone. Sinon, donc, on va commencer avec les nouvelles. Donc, comme je disais, la première nouvelle, c'est à propos de AT&T aux États-Unis qui veut... en fait... Dans le iOS 5, dans le nouveau téléphone iPhone 4, c'est-à-dire, sa vitesse lui permettrait de rentrer en catégorie des produits 4G. Et cette norme-là, le 4G ou le LTE, elle n'est pas bien définie, c'est-à-dire que on l'a définie une fois. C'est une norme qui est censée donner c'est censé être très rapide. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a diminué... On a nivelé par le bas, en fait, la 4G pour qu'il y ait plus de produits qui rentrent dedans et qu'on ait une norme qui s'appelle le HDS+, qui puisse rentrer là-dedans. Donc, la 4G, ce qu'on appelle la 4G ou le LTE, c'est supposé donner des vitesses de plus de 25 mégabits seconde. Et on a nivelé ça par le bas pour des produits qui donnent du 14 mégabits seconde. Puisse rentrer. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? C'est ça, c'est parce que AT&T et Apple voudraient changer l'icône du 3G qui est à droite de votre fournisseur voudrais le faire changer pour que ça soit 4G. Mais c'est ça, comme Alexis disait, c'est pas un téléphone 4G, c'est pas un LTE, là, c'est ça. C'est à cause de la vitesse qu'avec le nouveau système d'antenne qui ont sorti, qui peut atteindre la vitesse de 14 mégabits par seconde. Fait que c'est juste ça, c'est juste la différence. C'est juste, il n'y a rien, c'est pas un nouveau téléphone LTE comme Rogers a sorti ici en essayant avec Vancouver, Toronto et Montréal depuis 2 semaines, je pense que c'est Rogers ont sorti ça. Fait que c'est ça. Ils ont la ligne, mais je pense pas pareil qu'il soit véritablement LTE sur le marché. J'ai l'impression que tous les appareils qui se disent 4G sont en HDSPA+. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais il me semble que faisait une espèce de comparatif des appareils LG, il y avait des appareils le Galaxy, tout ça. Et ces appareils ne faisaient pas, ils faisaient du 14 mégabits seconde. Il n'y a comme pas d'appareils qui vont à mieux que ça. Et si on veut profiter du réseau de Rogers qui lui est capable de fournir plus, je pense qu'il faut avoir la clé pour l'ordinateur à 5 mégabits seconde ou plus. Ouais. Je veux dire, il y a aussi un truc, c'est que finalement cette notion de 4G, enfin de LTE plutôt, c'était plutôt un concept pour concevoir les réseaux de données pour les opérateurs de haute vitesse sur le long terme. Donc finalement, il y a comme un groupe de protocoles, un groupe de technologies qui font partie du LTE. Et finalement, par ce biais-là, le HSPA+, fait partie du bas du panier des technologies 4G. Sachant qu'on nous fait miroiter des espoirs jusqu'à du 100 Mbps, jusqu'à du gigabit dans plusieurs années. Ce qui est quand même bizarrement plus intéressant que la connexion que j'ai à la maison. C'est-à-dire que mon téléphone en HDSPA va faire du 14 Mbps, alors qu'on me vend du vitesse à la maison qui lui en fait du 7 mégabits. Je pense même que le upload est un peu plus vide qu'à la maison. Je pense qu'on peut atteindre facilement du 2-3 mégabits, alors que l'upload à la maison est de seulement 1 mégabit. Donc éventuellement, en fait, notre connexion Internet, j'ai l'impression qu'on va la traîner dans nos poches et qu'on n'aura plus de connexion Internet véritablement à la maison. À moins qu'on ait un besoin en bande passante beaucoup plus énorme. On continue pour la deuxième nouvelle. En fait, c'est les benchmarks du iPhone 4 qui sont sortis. Donc, avez-vous le temps de regarder un petit peu la nouvelle? C'est assez impressionnant, là. Le système est overclocké à 800 MHz. Puis, il n'est pas à sa pleine capacité, comme Apple ont toujours sorti leur téléphone, jamais au max. C'est assez impressionnant, là. Ça bat un Galaxy S, là. Comparaison, le Galaxy S2, qui est un 1.2 GHz, qui, si je ne me trompe pas, est un double cœur, quand même. Ouais. Sur la charte graphique, c'est un benchmark qui s'appelle GL Bench, qui a calculé, en fait, les tests OpenGL. Et le score qui est de Galaxy S2, c'est 42.5. Alors que le iPhone 4S, qui est cadencé à 800 MHz avec son processeur double cœur, parle de 73.1 comme cote. Et pour donner une ordre de grandeur, le iPhone 4 qu'on a dans nnos mains actuellement, qui est un processeur simple à 800 MHz, lui fait un piètre 11.2 à ce test-là. Donc, c'est comme Apple le disait, c'est véritablement 7 fois plus rapide au niveau graphique. Donc, ça risque d'être très intéressant. Vient de se joindre à nous, quelqu'un joue avec les caméras et vient de se joindre à nous, Vincent Miller et Benoît Mercier. Qui un petit peu plus tard vont nous livrer leur... Qui a joué avec les caméras? Messieurs. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh! Non? Non. C'est pas moi. Vincent, on te regarde. Ça se peut que ce soit moi, d'abord. J'ai peut-être touché à quelque chose qu'il fallait pas. C'est bon. Comme on le disait, les benchmarks sont assez intéressants pour le iPhone. Et on se souvient en fait qu'à l'annonce du téléphone, nous-mêmes, ce qu'on avait fait passer avec Bernard et Yann Thériault, On était un petit peu déçus des avancées. Au voir de benchmark comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Puis Apple tient ses promesses quant à la vitesse, qu'ils vont probablement avoir beaucoup besoin pour les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont dedans. Ça nous amène en fait à notre prochaine... Je vais laisser soit Jean-François ou Alex vous raconter ça. Je parle depuis le début, donc je vais laisser les co-animateurs y aller de leur... Ouais, vas-y Alex, je vais te suivre après. Alors, notre point suivant. C'était bien. C'est l'iPhone 4S, c'est les records. Voilà. C'est les records de vente. Ah, je comprends pourquoi vous me laissez parler de ça. Ben ouais. Voilà, cool. Le million de précommandes déjà, avant même qu'il soit lancé. Pour un iPhone 4 qui, où il y a eu comme tellement de rumeurs, on attendait tellement de nouvelles fonctionnalités, qui finalement était comme un iPhone 4 qui est surboosté. Qui joue à mon sens une super évolution pour un possesseur d'iPhone 3GS, 3G aussi. Pour un possesseur d'iPhone 4, le débat est ouvert, ça va dépendre pas mal d'usage, je pense. Mais vraiment un très bon départ. Il y a des gens qui se sont plaints du fait que, par exemple, Apple n'avait pas grandi l'écran. Sauf que ce qui a été démontré à la suite et ce qui a été dit, c'est que un téléphone avec l'écran qu'on a actuellement sur l'iPhone, on peut à peu près contrôler, je dirais, 90% du téléphone d'une main avec notre pouce. C'est-à-dire qu'un pouce normal est capable de faire un grand cercle sur l'écran et donc de contrôler tout le téléphone. On a montré un peu la même région, en fait, l'écran 4 pouces, et on en contrôle beaucoup moins. On est vraiment obligé d'utiliser le produit à deux mains. Donc, c'est probablement pour ça que Apple a pas grossi l'écran jusqu'à temps qu'on mute et que notre pouce prenne un bon pouce ou des Swedish Thumb Enlarger. On va probablement rester chez Apple avec un écran de 3,5 pouces. Oui, probablement, mais peut-être la prochaine version. Oui, d'après moi aussi, ça va être un bon choix. Là. C'est bien beau à augmenter tout le temps les grandeurs d'écran, mais comme il présentait, ça fait 90% de l'écran avec juste un pouce, c'est en masse. Là. Sinon, si vous mettez ça à 3,7, vous tombez, je pense, à 80, je pense, c'est pas la même. Fait que vous allez être obligé de vraiment utiliser votre téléphone à deux mains, car maintenant, vous pouvez jouer avec cela, vous avez juste à faire votre pouce. Fait que non, d'après moi, c'est un bon choix de le laisser à 3,5. Je m'en plains pas. Puis sinon, il faudrait changer ses pantalons pour avoir des poches plus grandes. Exactement! Aussi. ou porter l'inné de Man Purse pour mettre ces choses. Ce qui nous donnerait un petit air bizarre. Prochaine nouvelle? Ouais. Je vais en parler vu que j'en ai pas. L'application iPhone... Facebook a été mis à jour cette semaine en version 4.0.1 qui fait une application universelle iPhone et iPad. Les utilisateurs d'iPad, ça faisait longtemps qu'ils la voulaient parce que elle fonctionnait, mais il fallait que c'était élargi comme écran quand on choisissait le mode plein écran, mais maintenant elle vient native de l'application. Par exemple, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu de la misère avec l'application cette semaine. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Mon application plante au démarrage, fait que fallait juste effacer l'application et la retélécharger du Apple Store. C'est ça. Voilà. L'application Facebook n'a jamais vraiment été très, très fiable. C'est une application qui était plantogène beaucoup, beaucoup. Plantogène. Ça se dit. Plantogène. Ça se dit. C'est dans l'éther. Et t'iras voir. Donc, c'est une application qui plantait beaucoup. On sait que Mark Zuckerberg ne voulait pas ou ne considérait pas que le iPad était un appareil mobile pour lequel on devait développer une version spéciale en tant que telle. Il y a des choses qui ont changé chez Facebook. Et on sait que l'application était cachée dans le code depuis quand même un certain temps. Des gens avaient réussi à la débloquer il y a quelques temps. C'est une application qui est très belle, qui est très bien conçue, qui permet rapidement d'aller à beaucoup des fonctionnalités de Facebook, qui de toute façon a changé aussi passablement durant les dernières semaines. Et on me dit que Plantogène n'existe pas. Mais j'ai l'impression que les fonctionnalités de l'application n'ont pas suivi justement les mises à jour de Facebook. Il me semble que même au niveau de l'interface, moi, comme j'ai un groupe Facebook que je dois administrer, j'aimerais ça avoir accès. Sinon, si je suis à l'extérieur, il faut que je me connecte directement sur la page internet de Facebook, accéder à mon groupe. Ça serait intéressant de pouvoir manager, en anglais, administrer mon groupe à partir de l'application elle-même. Fait que ça, c'est juste ton mur qui descend, c'est pas, t'as pas accès. Oui, ben t'as plusieurs fonctions, mais les fonctions restent autour de ta personne comme telle, toi okay. en tant qu'individu Facebook. Si je veux avoir accès à la page à ma page Facebook, à mon groupe, il faut que là je me log, il faut que je m'inscrive comme par l'interface normale, comme si j'étais sur un laptop. Okay. Ben, les applications iPhone ou iPad, c'est une application de consommation de contenu, pas réellement de création de contenu. L'iPhone, c'est un appareil de communication. Donc, il est pas mal plus mis en avant les outils de communication, le chat, avec l'application Messenger qui est sortie il y a quelques semaines. Puis, ben, pour administrer puis faire des campagnes plus costaudes ou gérer des groupes, ben là, probablement qu'eux ont décidé pour l'instant de rester sur l'ordinateur. Le focus est fait sur l'ordinateur, mais j'ai pas l'impression que c'était un enjeu de la machine qui est le iPhone comme tel. Mais justement, tu l'as dit, des choix que eux du côté de Facebook ont fait. Parce que, je veux dire, sans avoir une panoplie incroyable de fonctionnalités, ça serait intéressant pour faire de la campagne virale ou de quelque chose du genre. Juste pouvoir mettre une mise à jour sur ton wall, sur ton mur de ton groupe que tu administres, il me semble que c'est pas demander tant à la machine ni à l'application. Donc, il y a un choix qui est fait, c'est certain. Est-ce que le timeline est dedans? Non. Il faudrait que je vérifie. En fait, non, je sais pas. Où est-ce que j'ai mis mon iPhone? Non, vérifie ça, Benoît. Je vais prendre un petit 2 secondes. La plateforme qu'on utilise pour les gens qui se joignent à nous, je pense qu'on est 5 spectateurs. Il y a plus d'animateurs à ce show-ci que de spectateurs pour l'instant, mais on commence, donc c'est un peu normal. En fait, les spectateurs peuvent devenir un petit peu les participants au podcast. Donc, en ce moment, vous êtes peut-être en train de l'écouter sur Mac Québec. Si ça vous satisfait, vous restez là. Mais si vous voulez participer, vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme Vocal. Vous créez un compte et posez des questions, peut-être avec les outils qui sont là. Soit des questions en écrit ou carrément vous brancher et venir poser votre question live. Ça existe, ça s'appelle Actualité. Je vais te en passer. Ah, merci. Excuse-moi, je t'ai coupé. Okay. Pas de problème. Bon, passons à l'autre annonce qui a été faite cette semaine. Siri. Ils ont découvert dans la dernière version de iOS 5, ils ont découvert que Siri pourrait être potentiellement incluse dans la prochaine version de la Apple TV, qui serait nommée la 3.1. Ce qui serait hot avec ça, c'est que tu t'achètes une Apple TV dernière génération et que tu parles à ta télé, ça serait wow, là, c'est comme une Kinect mais vocale, fait que ça serait une Kinect qui est fun à utiliser. Exactement, oui, c'est ça. Non, exactement. Mets ta main pendant 3 secondes. Oui, c'est ça. Le problème, par contre, qu'il y a avec ça, c'est que le Apple TV, actuellement, n'est pas équipé d'un micro. Donc, c'est un appareil qui a peut-être un an ou moins. Il a été vendu, bon, c'est pas très cher, mais les autres appareils de télévision interne, là, qui sont des appareils qu'on va greffer à une télévision pour leur donner des nouvelles options, sont tous autour de ce prix-là. Qu'on parle du Roku, qu'on Smart TV de LG, bon, le Apple TV, tout ça. La nouvelle Apple TV a été faite en septembre 2010. Donc, un petit peu plus qu'un an. Puis, à ce moment-là, on peut penser qu'il va avoir un nouvel appareil. De toute façon, ça fait partie des rumeurs qu'il y a en ce moment qu'un Apple TV 3e génération arriverait sur le marché. Mais c'est ça, mais avec le nouveau processeur A5, est-ce qu'il est-tu A5? Il est A5 ou A4, le Apple TV, j'ai un blanc là. Je pourrais pas te dire. C'est A4 qui est à l'intérieur. Moi non plus. A4? Non, c'est ça. Fait que si mettons, tu mettrais le nouveau processeur A5 dedans, là, Apple pouvait streamer leur contenu sur iTunes en 1080p au lieu du 720p traditionnel. Fait que ça serait encore mieux là, pour côté image de diffusion. Ce serait pas plus facile de concevoir finalement comme un iPhone posé sur la table Siri compatible, parler à son iPhone qui interagit avec l'Apple TV pour lui streamer le contenu ou juste commander l'Apple TV, finalement une sorte de Apple Remote, mais sans parce iPhone. Que ben Siri il est pas dans le téléphone. Je sais pas si le monde ils l'ont compris ça, mais Siri n'est pas dans le téléphone. Oh. Tu parles à ton téléphone, mais c'est retransmis chez Apple et ça revient dans ton téléphone par leur serveur. Je pense que c'est ce que tu voulais dire en fait, c'est que le téléphone, en ajoutant simplement une option, par exemple, dans la l'Apps Remote, qui sert à contrôler le iTunes ou qui peut servir à contrôler le Apple TV, on pourrait en fait contrôler le Apple TV avec la voix. Puis entre vendre un nouveau produit une centaine de dollars ou mettre une simple application, probablement que ça pourrait faire l'entre-deux pendant un certain temps. Puis techniquement aussi, ça a l'avantage d'avoir le micro qui soit à côté de l'utilisateur versus le micro qui va se trouver sous la télévision, si on parle de l'Apple TV. Effectivement. Ouais, c'est vrai. De toute façon, je pense qu'avec l'amélioration Play dans le iPhone 4S, qui va avoir avec des jeux comme Real Racing HD2, ben on va voir une synergie en fait. C'est-à-dire que le phone va devenir, puis ça on l'expliquait souvent, on l'explique souvent dans le podcast, c'est que le téléphone va devenir en fait une télécommande, va probablement avoir le jeu à l'intérieur de l'appareil, mais il va le diffuser sur la télévision. Et puis à ce moment-là, on va regarder sa télévision pour jouer au jeu, mais on va peut-être avoir une autre image sur notre téléphone. Par exemple, le volant qui tourne au fur et à mesure qu'on tourne. On peut peut-être avoir d'autres informations qui vont nous être données sur le téléphone. Peut-être de l'information qu'on va nous donner, mais que l'autre joueur n'aura pas. Ça dépend pour quel type de jeu, mais on peut voir de bonnes. Par exemple, un jeu de Battleship, où est-ce qu'on aurait les coups sur la TV, mais qu'on ferait les coups sur notre appareil et qu'on saurait seulement nous où sont placés nos bateaux, des trucs comme ça, là. Donc, et puis ça serait pour le marché casual gamer en opposition avec toutes les autres consoles qui sont des consoles hard gamer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a vraiment des possibilités de cette API-là. Ouais, c'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec ça. On passe à l'autre. En fait, dans la pléiade d'applications qui sont sorties aujourd'hui. On va peut-être en parler un petit peu après parce qu'on parle de l'iOS 5, beaucoup de choses à dire sur la sortie de ce produit-là aujourd'hui. La dernière nouvelle pour aujourd'hui serait probablement en fait des gens qui ont fabriqué un appareil qui coûte une trentaine de dollars en fait et permet de transformer le iPhone en microscope. Qui est clair, un agradissement de 350x, ce qui est quand même assez intéressant. C'est des gens de l'université Davis, je crois, qui ont fait ça, qui ont développé une petite lentille qu'on peut attacher au téléphone, qui coûte simplement 30$. Donc, on va vous donner le lien dans les notes du podcast. Ouais, c'est l'image est. Elle est saisissante, là. À gauche, on a la photo originale, mais avec la nouvelle lentille pour 30$. L'image est du microscope, là. L'image est merveilleuse. Là. On voit vraiment mieux. Ouais, c'est vraiment assez impressionnant. Même le jeu de couleurs est encore plus beau, je trouve, sur la nouvelle photo avec la nouvelle lentille. Et puis, je me suis trompé, en fait, c'était pas la dernière news. Bon, évidemment, cette semaine, il y a eu la mort de Steve Jobs qui nous a tous touchés. On a fait une émission spéciale ici même sur Vocal la semaine passée où Jean-François est venu, Martin Lessard aussi est venu, était là, Éric Michaud aussi qui est venu nous voir. Donc, on avait des choses à dire. Diane Bourque aussi qui est venue nous voir. On avait des choses à dire par rapport à Steve. une des choses qui est intéressante, c'est que l'équipe de Mythbuster, les deux animateurs de l'émission Mythbuster, vont dimanche prochain, le 16 octobre à 8h sur la chaîne Discovery, vont faire une espèce d'hommage, une émission hommage à Steve Jobs. C'est deux utilisateurs de produits Apple et ils se sont offerts ou ils ont été désignés, en fait, choisis pour faire cette émission-là. Ouais, ça va être c'est surprenant ce que cet homme-là a apporté là, c'est les deux personnages de Mythbuster là, c'est pas OK, ils font beaucoup de choses des fois c'est assez bizarre qu'est-ce qu'ils font comme test, mais qu'ils vont faire une genre de rétrospective sur la vie de Steve Jobs que même moi je savais même pas que qu'il s'intéressait au Mac là. Fait que quand j'ai vu la nouvelle passer, j'ai dit ça va faire changement. Comment il s'appelle, le gars de CNN, là? Cheveux blancs, là. Anderson Cooper? Anderson Cooper. Anderson Cooper passe des rétrospectives de la vie de certaines personnes. Mais ça va faire un changement. J'ai hâte de voir ça. Ça va être à Discovery. Ce qui est intéressant avec les Mythbusters, c'est que de plus en plus aux États-Unis, ils ont la marque ou l'étiquette que c'est des gens qui, en plus de s'amuser à faire péter des choses, on s'entend que faire exploser une vache, savoir combien de morceaux elle va se répandre, c'est pas nécessairement super scientifique, mais ils ont l'étiquette de faire la promotion de la science et des mathématiques et de la technologie, bon, tout ça. Alors, c'est comme ça tombe sous le sens que c'est eux qui vont faire cet hommage-là à Steve Jobs. Ça tombe bien, en fait, que ce soit Benoît qui ait pris la parole, avancé au sujet principal qui est le iOS 5. En fait, on a Benoît Mercier qui est avec nous et Vincent Miller. On va les présenter. Benoît Mercier, qui est l'animal mystérieux étonnant et qui est aussi le spécialiste résident de bande dessinée à Monsieur Net pour Musique Plus. J'aime bien utiliser ce terme-là, spécialiste résident, comme chez John Stewart. La nuit. Exactement. Donc, Benoît, en fait, qui va venir nous voir de temps pour une petite chronique. Oui, ce ne sera pas seulement bande dessinée, comme pour mon show, je vais faire une espèce de petite chronique sur l'influence de Mac ou de Steve Jobs ou de la marque Apple sur la pop culture. Donc, ça peut se refléter soit dans la télévision, soit dans les séries télé, soit dans les films. On sait déjà que à la télévision, on se plaît à représenter les hackers comme étant des adeptes de Windows et de PC, et souvent les white hats, les gentils, ceux qui essaient de minimiser les dégâts des hackers comme étant des utilisateurs de Apple. Alors ça, déjà là, quelque part, il y a quelque chose de sociologique qui est assez intéressant. Sinon, en bande dessinée, c'est certain qu'il y a une certaine influence. Rappelez-vous aussi le fameux dessin animé, l'épisode des Simpsons, où Lisa va rencontrer une espèce de pastiche émule de Steve Jobs dans un Mac Store sous la mer, qui est assez incroyable. Alors, ma chronique va habituellement se centrer autour de ça. Peut-être quelque chose d'un petit peu moins étoffé pour cette semaine, mais je vous invite à aller inviter ça parce que moi, c'est mon dada. J'aime beaucoup parler de bande dessinée, particulièrement de bande dessinée américaine. Je vais essayer de le montrer à la caméra pour que ce soit comme il faut. Là. Transhuman de Jonathan Hickman. J'en ai parlé la semaine passée. C'est un auteur, c'est aussi quelqu'un qui fait... on parle auteur au sens large. C'est quelqu'un qui scénarise, mais c'est aussi quelqu'un qui fait du traitement graphique. Donc, la plupart du temps, dans ces bandes dessinées, vous avez le droit à des espèces de chartes assez design. C'est souvent lui qui est derrière. En ce moment, pour les gens qui suivent le comic book, qui seraient intéressés à lire du comic book, il fait une run incroyable, une arc d'histoire incroyable sur Fantastic Four. Donc, c'est quoi le lien avec Steve Jobs? C'est quoi le lien avec Apple, avec Transhuman? On se projette d'un futur pas si lointain où les frontières du commerce ont été franchies. On ne fait plus vendre que de la technologie ou des caméras, des iPhones. On va littéralement vendre la modification du corps. On n'est pas très loin de Dosex. En fait, regardez dans la science-fiction tout ce qui est... la technologie elle a ses limites, mais de plus en plus, on les rejoint. Donc, on va beaucoup plus dans la modification du corps, étrangement. TransHuman, deux compagnies, deux amis au début, qui éventuellement font deux compagnies distinctes qui rentrent dans le commerce de la modification du corps. Donc, une qui va plus au niveau des prothèses et l'autre va plus au niveau des modifications, au niveau du code génétique. Et le futur, justement, du commerce, c'est, bon, comment est-ce que vous allez courir plus vite, comment vous allez pouvoir plus loin, vivre plus longtemps grâce à cette technologie-là. Et c'est deux chefs qui se font la guerre pour dominer le marché. Il y a plein de petits clins d'œil sur la guerre entre Apple et Windows. En fait, les deux amis, en fait, ces deux amis au départ qui ont fondé les deux compagnies, travaillaient pour quelque chose qui s'appelait iFarm. Donc, on n'est pas très loin d'un petit clin d'œil à Apple. Et même, je veux dire, un des deux présidents des compagnies ressemble étrangement à un homme qui porte un pull, mais bleu cette fois-ci. On n'est pas encore très loin de Steve Jobs. Et bon, la BD, ce qui est intéressant, prend l'allure d'un documentaire ou d'un mockumentaire, mais dans l'univers de la BD. Alors, si les gens voulaient s'intéresser à la BD, on n'a pas besoin d'avoir lu autre chose. Les fans de Mac pourraient y retrouver son compte aussi en regardant tous les petits easter eggs ou les petits clins d'œil qu'on fait à l'industrie de l'informatique. Pour revenir à l'épisode des Simpsons avec Steve Jobs, oui. Si la personne ne l'a pas vu, s'il y a personne qui a vu cette émission-là, là, est vraiment à voir, là, elle est super oui. bien faite. Le Maple Store là, avec les MyPhone, les MyCube, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment. C'est une très bonne émission. Je sais qu'il y a un épisode de Futurama aussi créé par Matt Groening, qui est le créateur des Simpsons, qui a parodié de plein fouet Macintosh et son iPhone. En fait, même, je sais que l'épisode a été censuré, mais vous pouvez retrouver le clip ou le vidéo, le segment sur les internets, sûrement sur YouTube. Sûrement. Hein. Vous allez voir, c'est un segment où il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui font la file pour rentrer dans un Mac Store. Et rendu à la porte, au bureau, oui, il y a un représentant, un commis qui dit « Vous savez que ta-ta-ta-ta-ta, ça va vous coûter une beurrée, telles fonctionnalités sont pas remplies. » Puis t'as Fry, le personnage principal, qui est un peu le Homer de Futurama, qui dit « Oui, je sais, de moins en un, il donne son argent, puis il prend, puis il s'en va. » Mais cet épisode-là a été censuré aux États-Unis. C'est assez incroyable parce qu'on parle de la parodie. Et la parodie aux États-Unis et au Canada, c'est quelque chose qui est protégé par la loi. Et on a avec nous Vincent Miller, qui est collaborateur auprès de Mac Québec. Et je vais te laisser le soin de te prendre un petit peu. Parfait. Comme tu l'as dit, je m'appelle Vincent Miller. J'ai 19 ans, je suis étudiant au Cégep de Trois-Rivières. Je suis aussi fan d'Apple, donc je suis un fanboy. J'ai des produits Apple, iPad 2, iPhone 4, MacBook Pro. Je te dirais que ça fait à peu près 2 ans que je suis sur la plateforme. Puis depuis 2 ans aussi, je développe sur iPhone et iPad. Donc, je m'intéresse dans tout ce qui est développement là, sur cette plateforme-là. Est-ce que tu peux nous parler des applications que tu vas développer bientôt ou non? Oui et non. Il y a certains projets que je vais taire. Mais j'ai développé des applications horaires d'autobus à Gatineau, notamment à Trois-Rivières aussi. Un festival aussi à Trois-Rivières, Festivois. Donc, quelques applications que j'ai développées. Puis j'ai d'autres projets, magazines surtout, qui est en cours. Donc, je suis content, ça va bien. Ah, c'est tu vas nous faire des chroniques en rapport avec les applications, mais en rapport aussi un petit peu avec leur développement, leur utilisation ou comment Apple facilite le développement produit. Entre autres, peut-être Newsstand, qui est un nouveau produit d'Apple qui a été introduit à la 5, puis qui peut être intéressant à utiliser. Là. Oui, ben, tantôt, dans ma petite chronique côté développement, je vais en parler de Newsstand, je vais parler aussi d'iCloud, donc... des petites intégrations dans côté Xcode, donc le logiciel de développement d'Apple. Est-ce que j'en parle tout de suite? J'en parle peut-être plus tard? Ben oui, ta chronique, ce serait comme là. OK. Bon, ben c'est bon. Je suis prêt. Faut que, comme je disais dans ma chronique de développement, Apple a apporté beaucoup dans la nouvelle plateforme Xcode 4.2. Donc, il y a 1500 nouvelles API qui ont été ajoutées dans le logiciel de développement. Plus de 200 nouvelles features, donc nouvelles ma nouvelle fonctionnalité. Nouvelle fonctionnalité, oui, merci Benoît. Je vais en parler quelques-unes, les plus connues, iCloud. Donc, pour faire du storage, pas du storage, encore une fois, Benoît... De l'entreposage de données. OK, merci. Du stockage de données. Stockage de données. Oui, du stockage de données en ligne avec iCloud. Donc, il y a certaines déjà applications qui ont été ajoutées que vous pouvez déjà vous procurer. Newsstand, qui est plutôt un dossier... qu'une application. Là. Donc, les personnes rajoutent quelques lignes de code pour ajouter dans le dossier Newsstand. C'est des applications qui sont gratuites, mais qui ont un abonnement payant. Donc, que ce soit 7 jours par semaine, dépendant le temps du magazine. Tu veux dire, au niveau de la mise à jour des magazines, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être journalier. C'est la discrétion vraiment du développeur puis du magazine. Donc, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe. En fait, la seule règle qui est suivie, c'est une mise à jour par jour. Donc, il y a un respect de cette loi-là qui est exigé pour Newsstand, mais à part ça, c'est pas mal libre. Il y a aussi Twitter qui a été ajouté, que ce soit plus facile à intégrer dans l'application. Très facile, je suis en train de développer là-dessus. Il y a quelques lignes de code, puis ensuite vraiment l'introduction côté visuel surtout, qui fonctionne très bien. Storyboard. J'ai dû réinstaller Twitter, moi, aujourd'hui, et puis... Je te le demande, ouais. En fait, est-ce que tu veux que j'utilise les données que tu m'as déjà données pour ton Twitter? Puis je lisais aussi que, en fait, il y a quelqu'un qui écrivait une lettre vraiment très, très sensée à Facebook pour leur dire, écoute, tu devrais vraiment être là. Prêt à voir un peu comme l'intégration de Twitter, l'intégration de Facebook qui est fait, comme ton mot de passe, ton nom d'utilisateur. Puis, à chaque fois que tu te logues, tu t'en vas à quelque part, ben on fait juste te demander, veux-tu utiliser tes informations plutôt que de les rentrer à chaque fois? Donc, oui, dans puis, les applications, dans le fond, bien intégré aussi. L'application, quand une fois que c'est intégré, un peu comme tu viens de dire, dès la première journée, Twitter a rajouté cette fonctionnalité-là, évidemment. Il y a un petit bug quand l'application est déjà ouverte. Donc, faites juste l'éteindre puis réouvrir. Il va aller chercher vos informations dans les réglages, votre nom d'utilisateur puis votre mot de passe, puis va fonctionner, va être pleinement intégré là, dans l'application. Oui, va être accessible. Là. Ça fonctionne très bien après ça. Storyboard, qui est une façon un peu comme faire des histoires avec en reliant avec des flèches, fonctionne à peu près de la même manière. Donc, très facile aussi. J'ai aimé la façon de faire. Il y a moins de programmation qui est là, puis il y a plus de visuels. Pour moi, quelqu'un qui commence en développement, c'est plus facile. Pour quelqu'un qui programme de A à Z, ça fait pas vraiment de grand changement, mais c'est côté intéressant. Côté jeu aussi, il y a OpenGL qui est ajouté, donc une plateforme plus 3D qui est ajoutée là, pour création de jeux. Game Center. On a vu des images pour le iPhone 4S. De Infinity Blade 2 qui va sortir, oui. C'est vraiment impressionnant. Là. C'est incroyable. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à du PlayStation 2. Je pense que ça dépasse la Wii en termes de qualité graphique. Là, ben ouais, ouais, puis avec le 4 fonds. Excuse-moi, vas-y. Ouais, vas-y. Dans le fond, avec la puce, le nouveau processeur qui accélère justement côté graphique, donc c'est jusqu'à 7 fois plus rapide. Ça apporte aussi une expérience de jeu beaucoup plus intéressante sur iPhone et sur iPad aussi, vu que c'est la même chose. Côté graphique, ça va toujours améliorer. Quand les jeux ont plus de budget, souvent, côté graphique, c'est toujours plus important et c'est toujours plus beau. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que c'est intéressant maintenant. Là. Benoît? Ben c'est plus vraiment pertinent, mais je voulais juste comme rajouter que oui, les graphiques, mais c'est le gameplay surtout, parce que on se souvient du fiasco de la Game Gear qui était assez incroyable. C'était rétro-éclairé, c'était couleur, mais les jeux c'était foutrement plate comparativement au Game Boy qui était monochrome d'un gris et vert étrange, mais ça faisait toute la différence, le gameplay. Là. Mais le nom, le, excuse-moi, le nom m'échappe, mais le premier, la première installation était assez intéressante. Je voulais pas couper dans ta chronique, Vince, si on veut parler de iOS 5, qui est le gros sujet aujourd'hui. Il nous reste 15 minutes parce qu'on a à les amateurs de Mac, bonsoir, tout de suite après pour répondre aux questions. Je pourrais juste devoir tout de suite. Ouais. J'ai juste une petite chose. Hier, on parlait quand on a fait notre test d'un problème de fonctionnalité là, quand on veut se déplacer d'application à application, donc avec plusieurs doigts. Le problème, donc les auditeurs vont comprendre, ceux qui ont le iPad 1, vous pouvez plus utiliser cette gesture-là. La fonction s'appelle multi-touch gesture, ouais. Ben c'est ça exactement, donc a été retiré de l'iOS 5 temporairement, mais Apple, c'est des rumeurs je crois, là, mais Apple serait supposé de revenir d'ici quelques mises à jour, la rajouter, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes de ce côté-là, parce que les fonctionnalités, ça fonctionnait parfaitement, puis il n'y avait pas vraiment de bug, donc on sait pas vraiment pourquoi ça a été enlevé. Je sais que les développeurs, eux, peuvent la réactiver, donc ceux qui ont une version développeur, mais va falloir attendre du côté d'Apple pour voir de ce problème-là, mais c'est une fonctionnalité qui a été enlevée d'Apple. Ouais. Une fonctionnalité qui était très intéressante, parce que plutôt que d'utiliser le Home Button pour appeler le ce qu'on appelle le multitasking, le multitâche sur le iPad, donc qui permet de basculer d'une application à l'autre, d'aller faire un copier dans une application, par exemple l'adresse dans un email, la ramener dans Maps ou des trucs comme ça, ben on pouvait le faire directement avec les qui en fait accélérait pas mal le workflow. Oui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, grosse journée pour Apple, c'était une grosse journée pour les serveurs de Apple, c'était une grosse journée pour les connexions. Notre bande passante aussi pour la bande mondiale en général. Moi j'ai lu sur Twitter un peu que TELUS a probablement planté aujourd'hui. Benoît trouvait que Fido faisait pas mal dur. Moi, j'ai pas trop vu, j'ai eu ma part de problème, mais c'était la sortie de i5 de 10.7.2, l'activation de iCloud et la mise à disposition de plusieurs applications nouvelles de Apple pour le iPhone. Qui a un iPhone OS 5 d'installer? Moi, j'ai attendu à demain. Toi, t'attends demain pour... J'attends demain parce que quelqu'un m'avait dit sur Twitter aujourd'hui que ça avait juste pas de sens à quel point ça avait pris du temps juste télécharger l'application. Là. C'est que je vais attendre à demain. Quelle application? La mise à jour de iOS. OK, ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a des... Vu que les serveurs sont bondés de monde, là, il y en a qui sont capables de télécharger le fichier, mais n'est pas capable de l'installer. iTunes va leur donner un message d'erreur, je pense que c'est 3200, je pense, quelque chose de même. C'est un message-là, c'est un message que les serveurs sont pleins. Fait que la seule affaire qu'il faut faire, c'est attendre ou réessayer. Puis peut-être plus tard, ça va fonctionner, peut-être dans la nuit. Mais là, il y a trop de monde en ce moment qui est en train de jouer là-dessus. Là. Le problème qui arrive de ce côté-là, c'est l'update puis l'activation. Donc, c'est vraiment le bug qui est arrivé. Donc, vous ne pouvez pas l'activer. Donc, c'est ça l'erreur 3200. OK. C'est ça, je me demande pourquoi Apple n'a pas changé leur manière, tu sais, de tout lancer en même temps, tous les nouveaux programmes, toutes les nouvelles mises à jour. Hey, c'est quelque chose, là, lancer tout ça d'une shot, là, puis que tout le monde s'empare de toutes ces données-là d'une manière ou d'une autre. Là, c'est... Ça en prend du jus, ça, là, faire rouler tout ça, là. Je sais pas pourquoi qu'il aurait pu, genre, segmenter ça par... On peut faire un parallèle avec quand il y a des nouvelles sorties de World of Warcraft qui va marcher. Ça fait à peu près la même chose, donc il y a une patch à télécharger. Tout le monde la télécharge en même temps, puis ça explose les serveurs. Apple peut pas faire vraiment grand-chose pour gérer ça. C'est sûr que, ils ont un peu vu le coup venir avec Hines hier. Alex, t'as quelque chose à dire? Oh, j'allais dire, je t'ai laissé finir ton point, mais sinon j'allais dire que, à la façon de World of Warcraft, ce que t'aurais pu faire, c'est pouvoir mettre à disposition au moins le téléchargement de la mise à jour via des systèmes genre Torrent, aurait comme permis de désengorger les serveurs d'Apple. Mais je pense qu'à terme, ce sera des choses qui vont devoir être prévues parce qu'ils ne vont pas accepter non plus d'avoir des serveurs qui vont être surchargés une à deux fois par année comme ça. Puis c'est con, mais c'était déjà planté avec Mobile Data Center. C'était déjà planté avec Mi. Ils avaient fait exactement la même chose à la sortie de Mobile Mi, c'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle version du iOS, il y avait une nouvelle version de Mobile Mi, puis Mobile Mi, il faut se souvenir, il faut le payer. Donc, je veux dire, quand ils veulent venir, puis qu'ils se sont dit, on donne iCloud, c'est-à-dire que tout le monde qui a un iPhone, 100 millions de personnes maintenant qui ont un appareil iOS, vont à peu près pouvoir profiter. Il y en a peut-être, je sais pas, un 25-30% là-dessus qui ont un vieil appareil qui pourront pas utiliser iMe. La plupart vont pouvoir le faire. C'est un peu plate de voir qu'ils ont fait ça. T'sais, s'ils l'avaient fait au 3 jours, mettons iTunes hier, aujourd'hui iOS, demain iCloud, ouais. Après de, iPhone 4S, ben ça leur aurait fait comme une belle semaine à Apple, puis ça leur aurait étudié le stress sur les serveurs. Oui, parce qu'il y a dû faire chaud là-bas. Oui, oui. Si on parle des nouveautés qu'on a dans l'iOS et dans iCloud, Notification Center, est-ce qu'il y a des faits intéressants qui n'ont pas été nécessairement dits ou qu'on peut rappeler? Comment, qu'est-ce que je pourrais dire de plus dessus? C'est que c'est vraiment mieux que les notifications du iOS 4 3.2.1. Là. C'est vraiment, c'est de best. Là. C'est un, ça a été pris d'un gars qui travaillait pour Android. Mais c'est vraiment, en fait, là, c'est de must. Là. En fait, la notification avait été développée du côté jailbreak, mais la qualité dont ils se sont inspirés, ou dont le développeur s'est probablement inspiré au niveau jailbreak, probablement les notifications d'Android. Et le type qui s'appelle Peter Ass, qui avait développé les applications qu'on pouvait télécharger du côté de Cydia, a été engagé par Apple pour faire la même chose, pour développer chez Apple la notification qui, avec le nombre d'applications qu'on a installées sur nos téléphones, capable. C'était bien pour 2-3 applications à Apple, ce système d'espèce de badge qui apparaît dans le milieu de l'écran, mais dès que tu avais 2-3 applications, puis en plus, c'est que tu jouais à un jeu, c'était ça en face, c'était vraiment désagréable. Donc là, ça a été déplacé dans le haut de l'écran, c'est beaucoup plus subtil, ça en va après quelques secondes. On est capable d'avoir l'ensemble de ces notifications dans une espèce de haut qu'on fait descendre avec notre doigt à partir du haut du téléphone. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir des applications, on peut choisir les applications dont les notifications vont être sur l'écran d'accueil, ou dans le rideau, et ou en fait dans le rideau de notification. Et ça rend notre écran d'accueil beaucoup plus intéressant à utiliser, dans le sens où on n'est pas obligé d'ouvrir le téléphone pour aller voir les derniers trucs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous ouvrez l'écran d'accueil, vous avez chacune de vos notifications qui sont une en dessous de l'autre. Et si vous voulez en voir une spécifiquement, au lieu de glisser, comme on le fait d'habitude, le gros bouton gris, rentrer dans le phone et aller dans l'application pour voir, vous avez simplement à glisser le petit logo de l'application là et vous allez débarrer votre téléphone et vous allez être amené directement dans l'action. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Il y a aussi, iMessage. Ouais, iMessage qu'on a... Oui, j'allais vous demander, est-ce qu'au niveau des applications, il y a une restriction au niveau des applications qui ont accès à la notification? Est-ce qu'il y a comme des petits chouchous, des favoris, style Twitter, Facebook et autres, ou bien n'importe quel développeur peut facilement intégrer les notifications à son application? Vincent? Concernant les notifications, c'est pas mal disponible pour tout le monde. Il n'y a pas aucune préférence. De toute façon, au départ, les notifications sont envoyées du serveur de la personne qui ajoute. Donc, il faut avoir au préalable un serveur. Moi, si je veux ajouter ça dans mon application, justement, ça va passer par un de mes serveurs, transférer à Apple, puis là, Apple va l'envoyer dans chacun des téléphones. Donc, notification, il n'y a aucune préférence. Puis même j'en ai pas parlé tantôt, mais Message, il y a des API maintenant pour ça. Donc, j'imagine que probablement qu'on va voir des ajouts d'API dans différentes applications de Message, là, de iMessage, dans l'iPhone, dans les applications. Un truc, par contre, c'est au niveau des badges, donc la bourse et la température. qui, eux, ont un peu plus ouais. d'espace. Et c'est un petit peu comme des widgets. Et je me demandais, en fait, si, au niveau des développeurs, avaient accès à pouvoir faire quelque chose d'un peu plus imposant, comme ça, qui était... Non, en fait, il n'y a aucune plateforme pour développer ces widgets-là. Probablement que ça va venir plus tard, c'est sûr. Apple, probablement qu'il essaie quelque chose, puis apporte... des API privées, encore une fois là. C'est plus des, en ce moment c'est sur la plateforme de développement, c'est plus des API privées qui ont été ouvertes aux développeurs. Probablement que ça va devenir une API publique, puis il va y avoir des applications faites exprès pour ça de ce côté là je pense. Par contre, ces widgets là sont pas développés en Objective-C, qui est le code de programmation là utilisé par les développeurs. Mais je pense que c'est par Java, qui est côté Google sur Android. Les applications sont développées là-dessus, donc je sais pas s'il va y avoir comme côté plateforme de Java qui vont être ajoutés dans Xcode, mais on va voir là, dans le futur. On a beaucoup d'autres... Oui, ben en fait, comme toi, tu es sur BlackBerry, je me disais que ça pouvait être intéressant de t'en parler, vu qu'il y a un parallèle... Non! Tu fais mal à mon cœur aujourd'hui. Mais, oui, en effet, j'avoue qu'au niveau des notifications, jusqu'à hier, c'était super. Puis, en fait, au niveau d'iMessage, je sais que tu utilises ton compte pour te connecter sur tes différents équipements Apple pour pouvoir profiter de iMessage. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux comme que mes messages ne soient pas délivrés sur mon iPad parce que c'est celui que ma famille utilise et que je souhaite pas que tous mes messages encombrent mon iPad? Est-ce que j'ai moyen de filtrer sur un équipement les messages? D'après ce que j'ai entendu dire, en fait, mon iPhone va fonctionner avec pour iMessage, va fonctionner avec tel compte Apple ID. Et je vais faire un autre compte à Apple ID, par exemple, sur mon iPad, où est-ce que, bon, les messages, mettons, le iPad sur la table, tout le monde y a accès, tu veux pas que ta maîtresse t'envoie des petits messages là-dessus, mais tu as un autre compte dans ça. Ben, je vois pas pourquoi, sinon, on va dans un autre compte. Ouais, dans le fond, par les réglages... il y a des identifiants Apple, juste enlever des adresses courriel ou des adresses qui vont être utilisées juste par le public, par la famille, puis certaines autres adresses qui sont juste pour le travail, qui vont pouvoir être utilisées là-dessus, qui est disponible dans les réglages du iPhone ou du iPad. Là. Ok, d'accord. Au niveau de l'application, d'abord, on sait que maintenant, on peut prendre des photos à bouton volume. C'est même en fait une application qui avait été soumise dans le store, qui avait inventé, si on veut, cette façon de procéder-là. Apple avait enlevé l'application et là, c'est un peu plate parce qu'ils ont cyclé cette fonctionnalité-là, qui est quand même intéressante parce que ça va bien habituellement d'utiliser un bouton. On est plus habitué à ça que d'utiliser en fait le touch pour lancer... soit l'enregistrement, soit la prise de photos. On a d'autres petites innovations aussi dans la caméra. Et dans photo, on a une espèce de iPhoto édulcoré qui permet de corriger les yeux rouges, une amélioration automatique des couleurs ou faire un rognage de la photo pour ensuite l'envoyer directement par Twitter, vu qu'il y a l'intégration Twitter qui est faite. Puis aussi de côté reconnaissance faciale aussi qui a été ajouté dans côté photo. J'ai lu ça dernièrement, je l'avais pas remarqué là, mais dans le keynote, je pense qu'il faisait remarquer que automatiquement là, il y avait des visuels sur les figures des personnes. Là. C'est sur le 4S, je crois, par exemple. Ouais, je pense que c'est pas assez fort, le 4S aussi, ouais. Okay. Sur le iOS 5. Sinon, on sait qu'on perd en fait. Apple a décidé de mettre ces appareils-là, les iOS, au même niveau qu'un ordinateur. Donc, je ne sais pas si c'est une démotion pour les ordinateurs ou une promotion pour les appareils iOS, mais maintenant, on n'est plus obligé d'avoir un ordinateur pour démarrer l'appareil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, jour 1, s'achetaient un appareil, n'avaient pas nécessairement de Mac, ne voulaient pas nécessairement le connecter à iTunes. Puis à ce moment-là, partait du Apple Store, alors même qu'on nous offrait au Apple Store de démarrer la... Je disais, non, non, c'est beau, je m'en occupe à la maison. Puis à la maison, on se rendait compte qu'il n'y avait pas la bonne version d'iTunes, pas un ordinateur assez récent, tout ça. Là, quand on disait ordinateur pas assez récent, c'est mis au système d'exploitation. Ah, t'as pas assez de mémoire, rajout de mémoire. Donc, ça entraînait des actions assez importantes. Mais la version PC Free, c'est quand même bien, là. C'est vraiment là, ça se fait comme si tu ouvrais un ordinateur une première fois. Là, tu rentres ton compte Apple, il va te demander iCloud, puis c'est tout. Après, ton téléphone est fonctionnel. Là, ça prend 30 secondes de faire. Là, c'est vraiment c'est super le fun. Là. Pour les gens qui sont prêts pour les iPod Touch aussi ou les iPad Wi-Fi uniquement, Apple a sorti aujourd'hui une application qui est pour la gestion. Des bornes d'accès, en fait c'est le Port Utilities, mais qui est fait pour les appareils iOS. Et c'est vrai chouette parce que en prenant toutes les données qu'il est capable de prendre en Wi-Fi, il va te faire un design, il va te montrer qu'est-ce qui est connecté à quoi, c'est quoi l'appareil que tu as au niveau, ouais, exactement comme GF nous le montre. Ouais, il y a Internet, il y a notre AirPort Extreme, il y a les ordinateurs qui sont connectés à... Puis on va voir les autres appareils de Apple un petit peu partout dans le réseau. Donc, moi, je voyais des gens très, très contents de cette application. Elle est plus belle encore que la version AirPort Utilities qui vient dans les Mac. Là. C'est oui, tout à fait. L'intérieur est vraiment plus belle. C'est une belle chose qu'on fait. Tout à fait. Parfait, j'avoue. Et puis, Pardon? Et c'est très pratique de pouvoir contrôler son petit réseau domestique sans quitter son fauteuil, sans sortir un vrai. Ouais, ouais, ça fait des patates de sofa, mais bon. Fait que. Ben, moi, j'ai une application qui s'appelle Remote HD, je crois. C'est une application qui est 5$ et c'est assez intéressant. Elle est capable de contrôler certaines choses dans l'ordinateur, comme un Apple TV. Et. Bon, l'application Remote de Apple permet d'utiliser son téléphone comme une remote de Apple. Mais l'application Remote HD, ce qu'elle va faire, c'est de demander, en fait, qu'est-ce que je vois sur la télévision. Donc, par exemple, je mets mes enfants devant devant la télé, je leur mets Netflix sur Apple TV, et puis là, l'épisode de Caillou est terminé. Donc, je veux leur en mettre un huitième d'affilée. Et à ce moment-là, j'ai besoin de regarder sur mon téléphone et de voir bon dans où est-ce que je suis rendu dans les menus. Je peux contrôler, je vois ma télé qui est streamée sur mon petit téléphone. Puis là, ben, je peux aller exactement. Donc, c'est très bien. Et je suis vraiment besoin de parler à tes enfants de faire ça de ta cuisine. C'est malade, malade. That's good parenting. C'est ça. See what I did? On va rapidement passer sur iCloud parce qu'il est 22h05 et qu'on nous a pour un autre show à la même place en fait. Là, on va comme fermer, on va passer à l'autre show et on va y. Ça risque d'être le même setup ou à peu près. Le iCloud est sorti aujourd'hui. Moi j'ai eu un petit peu de difficulté parce que pendant la période de bêta test avec iCloud, il fallait utiliser toute une adresse MobileMe ou un Apple ID avec Mobile. Et là, ils lancent le produit et là, ils disent, ben, vous avez une adresse MobileMe, il faut faire la mise à jour de votre compte à iCloud et utiliser ça. Ce qui fait que moi, il y a des calendriers que j'ai perdus puis j'ai été obligé de faire manuellement l'exportation du calendrier pour le réimporter dans le calendrier iCloud. Je trouvais ça un petit peu fatigant. Ben non, parce que mon Apple ID que j'utilise pour l'achat d'applications, mon Apple ID, c'est une adresse Gmail. Puis eux autres, ils me disent t'es obligé d'utiliser une adresse MobileMe. Ou en fait, de mettre à jour ton adresse MobileMe. En part, ceux qui ont un MobileMe, ils ont 25 gigs ils ont 25 gigs dans iCloud, ce qui est un peu intéressant, mais j'ai quand même payé 100$. Je devrais avoir 50 gigs. Bon. Moi aussi, je l'ai payé 100$ moi aussi, là, mais je devrais avoir 50. Ouais. Donc, et avoir mon iDisk. Oui, ben je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Là. C'est sûr que jusqu'au 30 juin 2012, pour 7-8 prochains mois, le iDisk va être là, le Gallery va être là, il reste avec lui. Mm. Après ça, est-ce qu'eux vont avoir le temps de développer un équivalent pour iCloud? Ça va, mais oui, Vincent? Aussi, côté serveur, ceux qui utilisent encore iWeb, jusqu'au 30 juin, ils vont pouvoir laisser le site web hébergé par Apple, mais pendant ce temps-là, il va falloir qu'ils fassent la conversion là, vers un autre serveur pour leur site web, là, aussi. Ah, je savais pas qu'ils l'enlevaient, le iWeb. Mmh. Ah ben. L'hébergement via Apple. Ouais, okay. Même l'application telle, il s'en occupe plus trop, là, donc... Ben non, elle est plus à des sites web facilement de... Donc, Apple est en train tranquillement de dire, bon ben, c'est correct, on va voir des applications aux gens, mais il y en a d'autres qu'on va laisser aller. Savez-vous s'il existe une offre pour les professionnels pour de gros volumes de stockage sur iCloud? Oh, bonne question, j'ai pas vu ça. Ils en ont pas parlé, ils ont parlé de 100$, t'as 50 gigs par année. Ce qui est inférieur à l'offre de Dropbox, qui est le double, en fait, pour 100$ chez Dropbox par année, si je me trompe pas, 10 gigs ou quelque chose comme ça, ou pour 50$, tu as 100 gigs. C'est sûr qu'il y a toute la synchronisation, tout le fait que ce soit facile entre les et que ça marche. Ben, pour moi, là, Find My Friends, ça marche pas à Apple. Donc, je suis pogné avec un problème là-dessus. J'ai gossé avec ça toute la journée. Puis je veux trouver mes amis avec mon téléphone, mais mon téléphone ne veut pas. Exactement. J'ai le même problème. Y a-tu quelqu'un qui a dit t'as pas d'amis, Alexis? Que je ferme non, sa caméra. Non, j'ai dit il va falloir que tu parles à tes amis. Hein. C'est ça. Oh non! C'est le même problème avec tes enfants. Il va falloir que tu leur parles. Ils sont plus grands que dans les... Peut-être que si je leur donnais un iPad avec qui me faire iChat avec mes enfants, ça serait pas pire. Ça. Ben. Ah ben ouais, un petit FaceTime là. Ouais, voilà. Va te coucher, smiley. Ouais. Donc, ça a été une première expérience intéressante. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre podcast de Mac Québec. Et puis, tout de suite après, on déconnecte et pour les irréductibles qui sont encore là, on va boire une petite gorgée d'eau et on se retrouve au nouveau show qui s'appelle Les amateurs de Mac, bonsoir. Donc, si vous avez des questions sur le Macintosh ou vous connaissez des gens qui ont des questions autant sur le Mac que sur leur appareil à iOS, et aujourd'hui, c'est comme une bonne journée pour avoir des questions là, de toutes sortes. Là. Il y en a eu un paquet sur Twitter, ben à ce moment-là, vous pouvez joindre dans quelques secondes. Vous allez en fait sur macquebec.com/pod et on va être diffusé là dans quelques instants. Je vous remercie d'avoir participé avec moi. Merci Benoît. Et puis, JF et Alex, on se voit dans 2 semaines. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye.